France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. En cette semaine de Noël, France Culture propose d'évoquer les souvenirs, thème qui est donc décliné dans plusieurs émissions. Ici, nous allons essayer d'en parler avec philosophie. Aujourd'hui, Edmund Husserl, le souvenir comme rétention de la conscience. Et pour ce générique tout à fait spécial, merci à Riad Kera. La conscience perçoit l'instant présent. Le présent, c'est ce qui est, tandis que le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore, disait Augustin dans le livre 11 des Confessions. Cependant, pour pouvoir appréhender l'instant présent en comprenant ce qu'il prolonge, n'ai-je pas besoin d'avoir présent à ma conscience aussi l'instant passé ? C'est à ce problème que s'attelle le philosophe allemand du début du XXe siècle, Edmund Husserl, dans ses leçons sur le temps qu'il a données en 1905. Ce père du courant philosophique appelé phénoménologie dit que notre conscience du présent réalise une rétention du passé immédiat. Essayons de comprendre ensemble cette philosophie de l'acte de se souvenir qui toujours accompagne le travail de notre conscience. Et pour nous aider, j'accueille deux très bons connaisseurs de Husserl. Bonjour Nathalie Depras. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Nanterre, membre des archives Husserl à Paris. Et bonjour Rudolf Bernet. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie de l'université de Louvain, ancien directeur des archives Husserl de Louvain. Les références de vos travaux sont précisées sur le site d'Avec Philosophie. Très bien, commençons. D'abord les voix, les basses. Deuxième temps de la quelle première... Quelle mesure ? À quatre temps. Deuxième temps de la première mesure. En la. Quand vous datis. Deuxième mesure, deuxième temps. Maledictis. Vous y êtes ? Oui, oui, ré dièse, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Deuxième temps de la troisième mesure, en mi. Flammis acribus addictis. Pause. Maledictis, flammis acribus addictis. Flammis addictis. Vous y êtes bien ? Oui, je crois. Faites voir. Et maintenant les ténors. Quatrième temps de la première mesure en do. Deuxième mesure, quatrième temps. Ré. C'est bien ça ? Oui, oui, oui, oui, continuez. Deuxième temps de la quatrième mesure en fa. Maintenant l'orchestre. Second basson, trombone, basse, avec basse. Note identique, même rythme. Premier basson, trombone ténor avec les ténors. Vous allez trop vite. Est-ce que vous y êtes ? Vous allez trop vite. Est-ce que vous y êtes ? France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un extrait du film Amadeus de Milos Forman, réalisé en 1984. Salieri est perdu, ça va trop vite. Mozart est en train, sur son lit de mort, de lui dicter le Requiem. Mozart, lui, à chaque instant de sa composition, et c'est dans sa tête, il n'y a pas d'instrument pour jouer à côté d'eux, se souvient de tout ce qu'il y a eu avant et sans ce qui doit venir ensuite. Il a une mémoire immédiate de ce qui vient de se passer et qui marque encore le présent, dont l'ampleur est hors norme. Néanmoins, à notre tout petit niveau à nous, Nathalie Depraz, nous avons aussi une mémoire immédiate, ne serait-ce que pour savourer la musique de Mozart, non ? Ah oui, juste les phrases que vous venez de prononcer, je m'en souviens très bien, elles viennent tout juste d'arriver et elles sont encore présentes dans ma conscience. Oui. C'est très quotidien et en même temps, on n'y fait pas attention la plupart du temps. Nous ne pourrions pas écouter de la musique, ou du moins la savourer, comme je l'ai dit, si nous n'avions pas présent en nous tout ce, enfin, une partie de ce qui vient d'être joué au moment où quelque chose d'autre est joué. Mmh. C'est ça ? C'est ça. C'est vrai qu'il y a une sorte de... Dans un premier temps, on va penser que c'est quelque chose de très sensible, que c'est lié à la sensation. Ce que vous venez de dire, la formulation orale, dans l'exemple de Mozart, les notes qu'il entend, mais qui sont une entente, une écoute interne. Oui. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui relève de la sensation, juste passée. On verra justement, je pense, avec Husserl, que c'est pas si simple que ça, que c'est pas simplement de la sensation, que c'est quelque chose qui se passe de façon interne aussi. Alors c'est en effet l'objet de notre épisode d'aujourd'hui, essayer de comprendre cet acte de la conscience qui se souvient de ce qui vient juste de se passer pour pouvoir appréhender le présent. Ce n'est pas tout à fait anodin que j'ai pris l'exemple de la musique, Rudolf Bernet, où Husserl aimait prendre l'exemple de la mélodie pour réfléchir au temps. Effectivement. Et l'exemple de la mélodie est un très bel exemple par rapport à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir la musique, les notes de musique déjà passées, c'est autre chose qu'un phénomène d'écho physique. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la conscience qui retient quelque chose. Donc, chez Husserl, le temps est toujours une affaire de conscience et pas seulement une affaire de rythme physique. Voilà, ça, c'est pas déjà parce une chose. Que Mozart est hors norme que nous ne pouvons pas travailler cette question en ce qui nous concerne, simple mortel. Mozart est hors norme par sa conscience, par sa musique. Mozart se prête à des observations, des descriptions phénoménologiques simples. On peut simplifier Mozart et on peut se demander ce que Husserl s'est demandé très explicitement, comment on perçoit une mélodie. Oui. Et c'est une question qui est assez impressionnante. Il n'y a qu'un philosophe tel que Meinong qui pouvait penser que une mélodie, on pouvait seulement l'apercevoir une fois qu'elle était achevée. Donc il fallait attendre la fin de la mélodie pour pouvoir saisir la mélodie. Alors que chaque auditeur, chaque amateur de musique sait très bien que la mélodie, elle est là, au moment présent, justement par par tout ce qu'il y a eu avant. Appelé en quelque sorte. Et par ce qui est à venir. Et du coup, merci beaucoup, Rudolf Bernet, parce que vous évoquez la rétention, mais déjà la protension aussi, qui est un autre acte de la conscience qui intéresse beaucoup Husserl. Mais on va développer ces points qui sont a priori un peu impressionnants à cause de tous ces mots, mais qui décrivent des choses finalement assez simples que nous faisons, envie de dire tous les jours, mais en fait en permanence. Nous ne pourrions pas vivre si nous n'avions pas à chaque instant présent la conscience de ce qui s'est passé juste avant. Pourtant, et c'est un peu troublant, chez les philosophes, l'idée que la conscience du présent implique un acte de mémoire n'est pas du tout allée de soi très longtemps. Pour les anciens en particulier, prenons le cas d'Aristote, le présent implique seulement de la sensation et il n'y a pas au présent de mémoire. La mémoire concerne le passé et la sensation du présent ne semble pas être, j'ai presque envie de dire, pollué ou parasité par une quelconque mémoire parallèle du passé. C'est ce que dit en tout cas Aristote dans un texte assez troublant qui vous est lu par Riyad Kera. On ne peut pas se souvenir de l'avenir, mais ce dernier est l'objet d'une opinion ou de l'espérance. On ne peut pas se souvenir du présent, c'est l'objet de la sensation, et elle nous fait connaître ni le futur ni le passé, mais le présent seulement. La mémoire s'applique au passé, et personne ne dirait qu'on se rappelle le présent quand il est présent. Par exemple, cette couleur-ci quand je la vois. Pas plus qu'on ne se rappelle l'objet contemplé par l'esprit, quand justement on est en train de le contempler et de le penser. La sensation relève du présent, l'espérance de l'avenir, la mémoire du passé. C'est impressionnant ce compartimentage des facultés que propose Aristote dans ce texte qui s'appelle « De la mémoire et de la réminiscence » et qui figure dans les petits traités d'histoire naturelle d'Aristote. La sensation relève du présent, l'espérance de l'avenir, la mémoire du passé. Donc dans le présent, il n'y a pas de mémoire. il n'y a que de la sensation. Bizarre, intéressant, la sensation occupe tout l'espace, mais problème quand même. À quel moment on passe du passé au présent ? Il y a un risque de discontinuité là, non, Rudolf Bernet ? Il y a à la fois de discontinuité, en tout cas conceptuelle, et l'exemple de la mélodie nous a déjà montré que en réalité, dans la perception d'une mélodie, il n'y avait pas discontinuité. Il y a discontinuité conceptuelle entre le présent et le passé. Et puis, on s'est assez vite aperçu, déjà Aristote, qu'il y avait quelque chose comme une forme de passé-présent. Et je ne parlerai pas d'abord du souvenir, mais de l'habitude. Oui. Nos habitudes, c'est du dirait Husserl, c'est du passé sédimenté. C'est-à-dire, c'est ma manière de vous parler est entièrement imprégnée par des expériences, multiples expériences passées que j'ai eues, pas avec vous, mais dans ma vie intérieure. Et c'est totalement présent, sans que je me retourne explicitement vers le passé, mais le passé, il est là. Et donc, moi, je dirais assez volontiers le contraire d'Aristote, tout en reconnaissant la distinction conceptuelle. Ouais. Je parlais quand même plutôt d'une simultanéité, ça a l'air paradoxal, simultanéité du passé, du présent et du futur. Alors peut-être pour défendre Aristote deux minutes, oui. Il y a quand même quelque chose qui s'impose dans le présent, qui s'impose à nous, qui est troublant. Et donc on est tenté de penser que nous sommes dans le présent envahis par quelque chose qui relève de la sensation et qui pourrait bien exclure toute autre chose. Nathalie Depraz. L'exemple que prend Aristote est frappant de ce point de vue-là, puisqu'il prend l'exemple de la couleur, cette couleur-ci. Donc en fait, il choisit un exemple qui colle avec le modèle du temps qu'il cherche à mettre en avant, en réalité. Mmh. C'est-à-dire cette couleur-ci, mettons que ce soit du vert, au présent, elle est là et je ne pense à plus rien d'autre qu'elle. C'est ça ? Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, il auto-valide sa conception avec un exemple qui convient parfaitement. Et c'est vrai, quand il dit juste avant, et personne ne dirait qu'on se rappelle le présent quand il est présent, on ne peut pas contester ce fait. Quand la chose est là, on est dans le présent. Et donc, du coup, mais est-ce qu'il nous parle vraiment du temps ? En réalité, je pense qu'Aristote ne nous parle pas du temps. En l'occurrence, c'est peut-être pas ça qui l'intéresse. Ou alors, c'est peut-être que chez les Grecs, il y a une petite tendance à penser les choses morceau par morceau. Là, ils pensent un peu le passé comme un morceau, le présent comme un morceau, le futur, le morceau suivant. Et on voit plus la continuité. Et il parle de la mémoire, en plus. Il parle pas, il parle de la mémoire. Donc, il parle d'un passé, beaucoup plus global, beaucoup plus lointain, et on verra que Husserl, en réalité, ne parle pas vraiment de la mémoire. Il parle, comme vous disiez, des souvenirs et de cet acte très particulier de la rétention. De la rétention. Mais pour penser l'espace aussi, il y a ce qu'on appelle les paradoxes de Zénon d'Élée, où quand même on avait compris chez les Grecs qu'il fallait faire attention, même pour penser l'espace morceau par morceau, on n'arrivera jamais à reconstituer. Si on pense ainsi, on n'arrivera jamais à reconstituer le mouvement. Le continu. Est-ce qu'on peut dire que la phénoménologie, qui est une philosophie moderne, contemporaine même, pour le coup est au plus loin du mode naturel de pensée des Grecs qui a tendance à séparer, à créer des morceaux, et spontanément pense le continu, fondamentalement elle pense le continu, la phénoménologie. Plus que le discontinu. Certainement. Pour le public français, on penserait d'abord à Bergson. On pensait à une philosophie du continu. On va parler plus tard de Bergson, en effet. Avant Husserl. Husserl, dans son programme de la phénoménologie, s'est intéressé à l'espace autant qu'au temps. Oui. Et il essayait de comprendre comment rendre compte de ce que nous prenons comme allant de soi, à savoir l'ajustement du temps objectif. Et c'est ainsi qu'il s'est retourné vers l'apparition du temps objectif, ou plutôt, plus simplement, l'expérience que nous avons du temps. Oui, au fond, c'est les conditions subjectives de vécu du temps qui l'intéressent, et pas le temps objectif, par exemple, des physiciens. Et cela dans un programme pour valider, comme il disait, pour essayer de montrer comment se constitue le temps objectif. Donc le temps objectif en dans la conscience notamment. Enfin, en voilà, tout cas, il ne pense la chose que de cette façon. Voilà. Alors, il a été l'élève d'un monsieur dont je voudrais vous me parler un peu, parce qu'il est quand même assez important. C'est à lui qu'on doit, paraît-il, la riche notion d'intentionnalité, qui est au cœur de la phénoménologie husserlienne. Et ce monsieur, c'est Franz Brentano, qui est né en 1838 et mort en 1917. Un petit mot sur les cours de Brentano, auxquels a assisté, je crois, Husserl, Nathalie Depras. Qui était Brentano ? Alors, c'était un psychologue qui enseignait à Vienne, en Autriche. Et donc Husserl a suivi ses cours, de fait. Et c'est depuis donc ce travail aussi qui a été ensuite publié sous le titre très connu de cet ouvrage, La psychologie d'un point de vue empirique, de Franz Brentano. Donc c'est depuis cet ancrage psychologique qu'en fait Husserl a commencé à réfléchir justement à un certain nombre de phénomènes. Mais il a été aussi... en discussion et en opposition avec Brentano, justement, depuis cette conception qu'il jugeait déjà trop psychologique, en fait, et qui avait tendance précisément à mettre trop l'accent sur les états internes en tant que tels et pas suffisamment reliés à l'objet de la perception, oui. Qui sera décisif pour Husserl. Quand Husserl s'intéresse au son, c'est l'objet... Oui, il part de la conscience du son, mais il en fait des déductions sur la nature même du son. Oui, disons que c'est le son vers lequel ma conscience se dirige. Mais oui. Le son est un objet. Un objet qui va être visé par la conscience. En tout cas, Brentano dit une chose étonnante, c'est qu'on ne peut pas percevoir le passage du présent au passé. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous échappe. Et donc, le fait que le présent rejoigne le passé et qu'on passe à un nouveau présent, ça arrive, mais la conscience ne peut ni le percevoir, ni, je présume, le conceptualiser quand elle réfléchit à ce qui se passe. C'est ça, Rudolf Bernay ? L'enchaînement est parfait. Brentano était un aristotélicien, fondamentalement. Donc, ce que vous venez de résumer chez Brentano, c'est... Si on décortique bien, c'est exactement ce que dit Aristote. Ce que disait Aristote. Et on ne peut percevoir que ce qui est présent. Et donc, si nous avons une conscience du passé, c'est que ce passé nous est présenté d'une manière qui n'est ni présente, ni perçue, ni vraiment réelle. Oui. D'où cette idée chez Brentano, critiquée par Husserl, que le passé nous est présent que sous forme d'imagination, ce qu'ils appellent de fantaisie. Donc c'est un acte, le ressouvenir du passé serait un acte de fantaisie. Fantaisie au sens allemand, fantaisie, fantasme quelque chose, en fait, c'est ça. Il faudrait peut-être dire fantasme. Fantaisie, ça sonne un peu bizarre en français. Peut-être que c'est fantasme, en tout cas acte d'imagination qui nous fait nous représenter le présent, le passé, parce que le passé n'est plus présent, donc il ne peut être que représenté, c'est ça. Ça, c'est ce que Husserl dira. C'est déjà presque une correction de Brentano. Ah bon. Parce que pour Brentano, il est représenté, mais sous forme d'imagination. Oui. Comme quelque chose de non réel. D'accord. Non existant. Donc c'est l'imagination. Mais l'imagination, elle n'a pas cette force de s'intégrer chez Brentano au moment de la sensation présente. Alors que Husserl veut penser vraiment cette continuité qui fait que lorsqu'on sent le présent, il y a quelque chose qui fait qu'on sent aussi un peu du passé, en tout cas via cette étrange chose qu'il appelle la rétention, Nathalie Depras. Oui, c'est pour ça que justement la rétention est considérée comme faisant partie du présent. Ce que Husserl appelle le présent vivant ou le présent étendu, qui n'est pas un instant, qui n'est pas un point, donc qui n'est pas effectivement discontinu, passer d'un point à un point. Mais on est bien dans quelque chose de continu de ce point de vue-là aussi, et la rétention fait partie du présent. Donc c'est là que Husserl invente quelque chose qui, à mon avis, est assez inédit dans la conception du temps préalable, et c'est sans doute un des apports majeurs de Husserl, la question de la rétention. Parce que justement, il fait apparaître une dimension de la relation à moi-même qui est présente et qui vient tout juste de se produire. Donc on est dans quelque chose de très fin au niveau de la perception d'une sorte de micro-temporalité, on pourrait dire. Alors on va l'écouter dans le texte. Voici un extrait du fameux paragraphe 12 de ses leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, plus couramment appelée leçon sur le temps. Edmund Husserl, donc, lu par Riad Kera, et vous verrez que l'exemple est le son. On dit que les contenus sensibles s'estompent, pâlissent, etc. quand la perception proprement dite passe dans la rétention. Mais les contenus rétentionnels ne sont absolument pas des contenus au sens originel du terme. Quand un son s'estompe, il est d'abord senti lui-même avec une plénitude particulière, intensité, à quoi s'ajoute une diminution rapide de l'intensité. Le son est encore là, il est encore senti, mais dans une simple résonance. Cette authentique sensation de son est à distinguer du moment sonore dans la rétention. Le son rétentionnel n'est pas un son présent, mais précisément un son remémoré de façon primaire, dans le présent. On ne doit naturellement pas nier qu'il y a des résonances. Mais là où nous les connaissons et distinguons, nous pouvons bientôt constater qu'elles n'appartiennent pas du tout à la rétention comme telle, mais à la perception. La résonance d'un son de violon est précisément un faible son présent de violon, parfaitement différent de la rétention du son fort qui vient tout juste de passer. Un son remémoré intuitivement de façon primaire est par principe quelque chose d'autre qu'un son perçu, ou encore le souvenir primaire, la rétention d'un son, quelque chose d'autre que la sensation d'un son. C'était donc un texte d'Edmund Husserl dans ses leçons pour le temps. Ce sont des leçons qui ont été données par lui en 1905. Un son dure donc en nous, mais ce n'est pas seulement parce qu'il résonne. C'est pour d'autres raisons encore, si je puis dire. Expliquez-moi un peu ce texte, s'il vous plaît, Rudolf Bernay. La résonance, en allemand « Nachhall », c'est une sorte d'écho. C'est un phénomène physique. Oui. La rétention, c'est un phénomène de la conscience. Donc, c'est la conscience qui se retient elle-même en retenant le son. Donc, c'est... vous aviez dit tout à l'heure que le présent était parasité par le passé. Oui. Ce qui est vrai pour Aristote. Mais une fois qu'on regarde la conscience... Et le flux de la conscience, c'est le contraire. C'est-à-dire le présent est enveloppé, oui. Embrassé par une conscience du passé et du futur. Donc, au fond, la conscience ne retient pas seulement le temps passé ou la partie de la mélodie passée, mais elle se retient elle-même. Il y a quelque chose, une espèce d'inhérence de la conscience à elle-même. C'est peut-être difficile à comprendre, mais elle s'étend. C'est-à-dire si on fait un do puis un ré, bon, le do a résonné, il a duré en nous, le ré résonne et dure en nous, mais pendant qu'on entend le ré, il y a une présence encore du do qui était juste avant. Est-ce que c'est ça, Nathalie Depraz? Comme disait Rudolf Bernay, c'est vrai, il y a une conscience du son qui vient de s'écouler. Alors, ce qui est, c'est vrai, assez contre-intuitif, c'est que pour nous, spontanément, une résonance ou les harmoniques d'un son, c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose qui est une sensation. Et on a beaucoup de mal à comprendre, je pense, c'est vraiment contre-intuitif de comprendre qu'est-ce que c'est que cet acte interne, ce vécu interne, qui fait partie de notre, qui est notre conscience, mm-hmm. et qui habite notre présent dans un présent déjà, qui a déjà eu lieu. Et en fait, je pense que le soin de Husserl dans ce passage qui est assez exemplaire, c'est cette délimitation qu'il cherche à construire entre ce qui relève de la sensation, on en a déjà parlé avec Aristote, de la sensation et du vécu, qu'il soit d'ailleurs un vécu de sensation ou un vécu ici temporel. Mais c'est ce niveau du vécu que Husserl cherche à capter. Et qui, je pense, est vraiment son souci principal dans ce texte et pour penser le temps. Parce qu'en fait, penser le temps et la conscience du temps, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Alors, je vais vous demander aussi, Nathalie de Pras, qu'il veut dire exactement Husserl par souvenir primaire et quelle est la différence entre un souvenir primaire et un souvenir secondaire? Là, il est question, c'est vrai, de remémoration primaire, un son remémoré intuitivement de façon primaire. C'est une façon plus technique de nommer le terme même de rétention. Mais c'est aussi une manière de créer une distinction, comme vous indiquiez, une distinction qui n'est pas ici présente, avec la remémoration secondaire ou le souvenir secondaire, qui est nommé aussi dans les traductions ressouvenir, wieder Erinnerung, on se ressouvient, mais qui correspond tout simplement au souvenir tel qu'il a pu se produire. Plus lointain alors, oui, d'un passé plus lointain, ça peut être un c'est passé. Pas la conscience immédiate. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est pas une question d'éloignement dans le temps. Oui, c'est pas le passé immédiat, c'est le passé... Non, c'est pas ça qui fait la différence. Ça pourrait être un souvenir qui est très présent. Oui. Qui est encore très frais, en réalité, par exemple, juste quand on vient de se parler, sauf que c'est plus dans ma conscience immédiate. Ça s'est déjà éloigné. Oui. Vous voyez, c'est un éloignement dans le vécu. C'est pas un éloignement chronologique. Et objectif, en fait, forcément. Qui serait parce que c'est un souvenir très ancien ou un souvenir beaucoup plus pédagogiquement. Ça va être plus facile de le dire comme ça parce qu'on comprendra mieux un souvenir, on va dire le souvenir lointain par rapport à la rétention immédiate. Mais en réalité, je pense que dans la conception de Husserl, c'est pas une question chronologique parce qu'à ce moment-là, on serait à nouveau dans le temps objectif. On serait à nouveau. Oui, son problème, c'est ce que fait la conscience. Mais c'est avec le vécu. Mais alors, les deux peuvent être un peu en partie inconscients. Parce que quand même, dans ce qu'il dit sur la conscience immédiate de ce qui vient de se passer, ça va très vite. Enfin, je veux dire, si on entend la note do pendant que le ré est déjà parti, on a l'impression que c'est quelque chose d'inconscient. Et pourtant, il dit, ça se passe dans la conscience. On a même un peu l'impression qu'on a affaire à une tradition philosophique qui a beaucoup de mal avec l'idée d'inconscient qui vient d'une toute autre tradition, bon, celle de Freud. Et qu'en est-il aussi du souvenir secondaire? Est-il également uniquement conscient? Est-ce que dans les deux cas, il y a une part d'inconscient? Ou bien est-ce que décidément Husserl déteste ça et ne parle que de conscience, qu'il s'agisse du primaire, du souvenir primaire ou du souvenir secondaire? Alors la problématique de l'inconscient, je pense que je la laisserai à Rudolf Bernay, qui à mon avis est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler. Mais peut-être ce que je peux simplement dire, c'est que dans la conception de Husserl, il s'agit davantage de quelque chose qui relèverait de l'implicite. Du préconscient, il y a des occurrences de l'inconscient dans la phénoménologie de Husserl, mais c'est pas forcément cet inconscient dont on parle beaucoup avec Freud. Enfin. Alors l'inconscient, est-ce qu'il existe d'une façon ou d'une autre chez Husserl, Rudolf Bernay? On a essayé de l'y trouver. Husserl a le plus souvent protesté, mais enfin Husserl était quand même un élève de Brentano, qui en a parlé très explicitement, non sans influence sur un autre célèbre disciple de Brentano, à savoir Sigmund Freud. Et donc, il y a vraiment des liens. Alors, là où par rapport à ce dont nous parlions, où l'inconscient chez Husserl lui-même apparaît explicitement, c'est-à-dire que la rétention, effectivement, c'est on retient, mais pas seulement le passé immédiat, mais en gros, pour Husserl, tout le passé de la conscience. Donc, il y a des rétentions qui se rapportent à des choses qui ne sont plus présentes à la conscience. Et donc, là, il y a un autre lien avec le ressouvenir. Il se peut tout à fait que par quelque chose d'inconscient, un souvenir plutôt primaire, une rétention se réveille et que là on se remette à se ressouvenir. Et là, ça devient du souvenir secondaire à ce moment-là. Oui, ça deviendra du souvenir secondaire. Absolument. Il y a une réflexivité supérieure dans le souvenir secondaire que dans le souvenir primaire qui correspond à la conscience immédiate. Oui, mais ça marche tout à fait autrement. La rétention, c'est quand même ce que dit le mot. La conscience se retient elle-même. Oui. Ce qu'on appelle le ressouvenir, c'est vivre quelque chose à nouveau. Et c'est un acte autonome. Évidemment, c'est l'acte autonome qui reproduit un acte antérieur. D'accord. Mais... je voudrais quand même savoir si... Oui. Est-ce qu'il y a une telle résistance, troublante d'ailleurs, de Husserl à parler d'inconscient. Je vais poser la question autrement. Est-ce que nous subissons ces choses-là ou est-ce que nous les contrôlons? Que ce soit le souvenir primaire, la rétention, dans le passé qui vient de se passer, là, il est encore là, nous le retenons, ou que ce soit le souvenir secondaire, la remémoration de choses anciennes. Pourquoi faut-il que ce soit l'un ou l'autre? Husserl est vraiment le phénoménologue qui a montré que l'activité était souvent une sorte de responsivité, c'est-à-dire une réponse à quelque chose qui nous affecte. Donc l'activité, c'est pas... C'est, absolument. Oui. C'est à ça que je voulais arriver. Donc c'est ce lien intime entre l'activité et la passivité. Que l'activité n'est pas son présupposé dans la passivité, mais que la passivité, par exemple, de la rétention, pouvait déboucher sur une nouvelle activité. Et le ressouvenir, pour Husserl, c'est une activité. C'est une activité où peuvent parfaitement se mêler des moments inconscients. C'est parce qu'il a une vision de la conscience comme mêlant des choses actives et passives, et qu'il ne veut pas cliver trop durement les choses entre un inconscient et la conscience. Est-ce que c'est parce que tout cela est très continu et très mêlé que Husserl, justement, ne parle que de conscience et ne parle jamais d'inconscient? Tout est dans la conscience, passif, actif, mélangé, un peu voulu, un peu subi. Mais il n'a pas du tout envie de sortir et d'imaginer quelque chose d'autre qui s'appellerait l'inconscient. Il aurait peut-être eu envie si quelqu'un lui avait mis le bout du nez sur l'affaire. Mais ça s'est pas présenté. Il aurait pu être curieux. Et déjà, Brentano résistait très fort à la notion d'inconscient. Oui, ce à quoi il pouvait pas se refuser, parce que c'était un phénomène qui est très minutieux dans ses descriptions, c'est qu'il y avait des choses qui nous arrivaient à l'improviste. Et que, en nous souvenant, on brodait pas mal autour de ce que nous étions supposés nous souvenir très précisément. Donc ça, c'est des choses... Il n'a pas développé ça dans une théorie de l'inconscient. Nathalie Depras, j'insiste un tout petit peu parce que aujourd'hui, on est quand même un bon siècle après ces textes de Husserl. Et on a du mal en philosophie, en sciences humaines, à concilier la phénoménologie et les pensées psychanalytiques. Voilà. Et on se dit que c'est très dommage. Quand on lit les uns, on pense que les autres pourraient être sollicités, et vice-versa. Et néanmoins, Husserl résiste terriblement. Il savait qu'existait Sigmund Freud à peu près à son époque? Je pense que oui. Hein. Je pense qu'il le cite d'ailleurs. Hein. Il cite et inversement dans des manuscrits, le nom de Freud apparaît. Hein. Donc, oui, il le cite alors. Mais c'est au détour de. Alors c'est vrai que dans certains textes qui sont plutôt consacrés à la passivité, hein, il y a des textes qui sont vraiment à la synthèse passive. Il y a une théorie de la passivité chez Husserl qui est quand même assez construite, qui relève d'une démarche plus génétique de la phénoménologie. On voit qu'il est au plus près de ces questions. Mais je pense que pour lui, il y a toujours une sorte de point limite qui est justement le fait que ce dont il rencontre, c'est du vécu de la conscience et pas d'un phénomène qui serait situé, enfin le terme de phénomène d'ailleurs est pas juste ici, mais d'une réalité qui serait située dans des processus que Freud appelle des processus primaires qui du coup ne sont pas directement accessibles à la conscience. Donc je pense que là, il y a un point de méthodologie qui vraiment fait la différence entre les deux auteurs. Ensuite, le fait que ces deux auteurs puissent dialoguer, c'est à nous de les faire dialoguer finalement, voilà, dans l'après-coup. En réalité, nous ne sommes pas obligés de reconduire leurs différends. Et on peut très bien explorer les seuils de la conscience et les différentes dimensions. Je parlais de préconscient. La notion de préconscient, c'est une notion freudienne dans la première topique. Donc on peut réintégrer des éléments et faire dialoguer ensemble Freud et Husserl. Enfin, je pense que vous seriez d'accord, Rudolf. Oui, absolument. Vous êtes d'accord. Bon, on les a fait dialoguer alors qu'ils n'avaient pas du tout envie de parler ensemble. Je vous en remercie. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Comme d'autres émissions sur l'antenne de France Culture, cette semaine, nous parlons des souvenirs et nous essayons de le faire ici avec philosophie. Aujourd'hui, Edmund Husserl, le souvenir comme rétention de la conscience, notion qui est un petit peu impressionnante, mais qui s'explique, et surtout quand on a la chance d'être accompagné par de très très bons enseignants. Rudolf Bernet et Nathalie Depraz, spécialistes de Husserl, sont avec moi aujourd'hui. Je voudrais revenir à ce problème de la rétention, c'est-à-dire cette capacité qu'a la conscience à retenir le passé immédiat au moment où elle vit son présent. Alors peut-être que nous le comprenons bien, naturellement nous ne sommes pas très attentifs à cela, mais lorsque cette chose-là est malade et que notre mémoire immédiate est totalement défaillante, il est rare d'avoir des maladies aussi graves que celles dont je vais parler, mais enfin il y a des maladies de la mémoire immédiate, alors on voit bien le problème, on voit bien que nous ne pourrions pas vivre sans une conscience immédiate qui nous rappelle en permanence ce qui vient juste de se passer. Pourtant, dans le film Memento de Christopher Nolan, le héros principal ne se souvient pas de ce qu'il faisait juste avant. Il a une maladie très grave, sa mémoire immédiate n'existe plus. Il est donc obligé de se laisser des notes. C'est terrible et écoutez cette scène. Évidemment, a priori, on peut se dire qu'il peut faire n'importe quoi, ce n'est pas grave. Il oubliera après, pourquoi pas un meurtre ? C'est ce que lui demande un personnage féminin qui aimerait bien qu'il lui rende ce petit service. C'est une scène d'instrumentalisation évidente de sa maladie. Débarrasse-moi de Dodge, je te paierai. Quoi ? Tue-le, je te paierai, je te dis. Mais pour qui tu me prends ? Je tue pas pour le fric ? Pourquoi alors ? Par amour ? Pourquoi tu es prêt à tuer ? Pour ta femme, tu tuerais ? C'est différent. Pas pour moi, j'étais pas mariée avec elle. Arrête, je t'interdis de parler de ma femme. Je t'emmerde, je parle de qui je veux. Et de toute façon, je peux dire ce que je veux, tu t'en souviendras pas. Je peux traiter ta femme de pute, tu m'en voudras même pas. Calme-toi. C'est facile à dire pour toi, même la peur, t'as oublié ce que c'était, tellement t'es naze. Bon, ça va, cette histoire me concerne pas. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux savoir que ça te concerne pas? T'es pas foutu de retenir quoi que ce soit. You won't have a fucking clue, you fucking retard. Et la colère, t'as oublié ou tu connais? Je connais, oui. T'es vraiment qu'une merde, c'est pathétique. C'est dingue, je peux te balancer les pires saloperies. De toute façon, t'en as rien à foutre, y'a tout qui foire dans ta ça tête va, de arrête, connard. Tais-toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais me servir de toi. Et tu peux pas savoir le panard que je prends à l'idée que tu pourras rien faire pour m'en empêcher tellement t'es taré. T'as rien pour écrire? Ça, c'est vraiment dommage. Tu pourrais te laisser un petit mot pour te rappeler que Nathalie peut pas te sentir et qu'elle a traité ta femme de roulure. Si tu dis un mot de plus... Sur ta pute de femme! Restez concentré. Trouvez un stylo. Notez tout ça. Write it down. Concentrate, concentrate, concentrate. Keep it in mind, keep it in mind, keep it in mind. Find a pattern. Ce que vit ce personnage du film Memento de Christopher Nolan, sorti en 2000, est un cauchemar qui fait un peu penser à sa façon à celui du jour sans fin. C'est-à-dire que comme il ne se souvient immédiatement de rien de ce qu'il vient juste de faire, il doit se laisser des mots et recommencer, réapprendre à chaque fois les actions qu'il vient de faire et qu'il a déjà oubliées. Nous ne pourrions pas vivre ainsi, Nathalie Depraz. C'est horrible. Oui, j'étais vraiment surprise et choquée en fait par la scène. À vrai dire, je ne connaissais pas le film en question, donc c'est assez dramatique ce qui se passe pour cet homme en particulier. Et le titre du film est particulièrement intéressant parce que justement, on voit bien à travers le titre que ce qui va jouer le rôle, enfin, de l'adjuvant en fait de cette perte de mémoire, c'est l'écriture. C'est le fait de pouvoir noter, donc de se laisser des traces qui vont être des formes de support à partir desquelles, si la mémoire vive, la mémoire active n'est plus disponible, elle pourra être relayée par l'écrit. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant par-delà le... Sauf qu'il oublie immédiatement ce qu'il vient de lire. C'est ça qui est affreux. Oui, alors, mais pour les autres, ça crée une objectivation qui peut-être permettre de... oui. d'engendrer une sorte de dynamique de retour. Enfin, même si lui ne se souvient pas, ça me fait penser aussi à ce roman à ces nouvelles en fait de Borges, oui. Funeste ou la mémoire, ou bien au roman de Marquez, Cent ans de solitude, où justement ces personnages ont trop de souvenirs. Non c'est alors, le contraire. Il y a une saturation et en même temps ils sont obligés d'écrire. En fait, ils écrivent aussi les noms des choses. Sur des panneaux pour se souvenir des choses qu'ils ont vues et qu'ils ont oubliées. Donc moi je suis assez sensible à cette dimension d'écriture. Je trouve que même si de fait ça ne résout pas le problème, ça crée un relais possible par rapport à cette perte qui est sans doute de toute façon irrémédiable. Enfin, c'est vrai que la mémoire est trouée. C'est vrai que parfois on dit que dans la maladie d'Alzheimer ou dans d'autres maladies neurologiques, bon, on perd la mémoire vive, mais pas la mémoire ancienne. Mais en fait, c'est horrible, parce que perdre la mémoire vive, c'est perdre la capacité à fonctionner. C'est bien joli d'avoir des souvenirs extrêmement anciens, mais d'abord, si on n'a plus la mémoire vive, on ne sait plus où il se situe exactement dans son propre passé. La mémoire vive, la mémoire immédiate, c'est la vie de la conscience. Oui, Adolphe Bernays. Oui, certainement. Et ça nous permet de faire un retour sur la rétention. La rétention, c'est vraiment l'origine du vécu du temps. Alors, quand vous vivez que dans le présent, oui. vous avez perdu la notion du temps. Oui. C'est pas... Donc, pour revenir encore au début, Aristote, merci. S'il n'y avait que le présent, il n'y aurait pas de temps. Déjà, chez Aristote, il faut que ça joigne au présent le passé et le futur. Mais la véritable expérience du temps, c'est jamais seulement le moment présent. Oui. Et quand il n'y a que le moment présent, l'expérience du temps disparaît. C'est ça le gouffre. Donc, il y a la conscience présente, mais en fait, elle est complètement malade, elle est complètement perdue. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de sensation de la durée, c'est ça ? Absolument, c'est ça, et c'est ça qui intéresse les philosophes en particulier, c'est-à-dire comment comprendre l'expérience du temps qui passe. Si rien ne se passe, si tout était uniformément présent, ben il y aura pas de temps. Alors tout cela veut peut-être... Oui, je voulais pas vous couper, finissez, je vous en prie. Non, c'est la fonction de la rétention chez Husserl. C'est-à-dire le fait que quelque chose soit en même temps présent, et présent en tant que passé à la conscience. Donc c'est là oui. c'est le noyau de notre expérience du temps. Alors, vous l'avez dit dès le début de cette émission, il y a quelqu'un d'autre qui a dit explicitement, un autre philosophe français, lui, du XXe siècle, qui a dit explicitement que la conscience était avant tout mémoire. Et s'il n'y a plus mémoire, on peut imaginer que la conscience n'est plus, ou en tout cas est sur un mode extrêmement malade. C'est Henri Bergson. Je vous propose d'écouter un texte extrait de L'énergie spirituelle, son livre de 1919. Conscience signifie avant tout mémoire. En ce moment, je cause avec vous. Je prononce le mot « causerie ». Il est clair que ma conscience représente ce mot tout d'un coup. Sinon, elle n'y verrait pas un mot unique. Elle ne lui attribuerait pas un sens. Pourtant, lorsque j'articule la dernière syllabe du mot, les deux premières ont été articulées déjà. Elles sont du passé par rapport à celle-là, qui devrait alors s'appeler du présent. Mais cette dernière syllabe, « ri », je ne l'ai pas prononcée instantanément. Le temps, si court soit-il pendant lequel je l'ai émise, est décomposable en parties. Et ces parties sont du passé par rapport à la dernière d'entre elles, qui serait, elle, du présent définitif si elle n'était décomposable à son tour. De sorte que vous aurez beau faire, vous ne pourrez tracer une ligne de démarcation entre le passé et le présent, ni par conséquent entre la mémoire et la conscience. Rudolf Bernet, Bergson est-il le grand disciple de Husserl dans ce genre de texte, lorsqu'il nous dit que ne serait-ce que pour parler et pour comprendre le langage, il nous faut déjà de la mémoire du passé immédiat, insérée dans le présent. Chaque syllabe que nous prononçons exige le souvenir de la syllabe précédente. Il y a un grand accord entre Husserl et Bergson. Je suis pas sûr, Nathalie pourra me corriger, je suis pas sûr que Bergson ait connu et lu Husserl. Mais en revanche, j'en ai assez sûr que Husserl, mais quand ses analyses du temps intime étaient déjà établies, oui, a pris connaissance de Bergson. Ah oui, il avait un c'est élève. Dans ce sens peut-être. Alors, oui, il ça. A un élève. Alors, difficile de dire si Bergson a influencé Husserl. Moi, je pense plutôt pas. Mais il y a un élève de Husserl qui a fait sa dissertation doctorale sur Bergson et qui, tellement qu'il était frappé sur l'accord qui existait entre les deux. Et le texte que vous venez de lire, sauf qu'il s'agit de syllabes et pas de mélodies, mais il aurait pu avoir été écrit par Husserl. C'est un écho incroyable, oui, au texte de Husserl que nous avons lu au début de l'émission, sur le son qui dure en moi, pas seulement parce qu'il résonne, mais parce que je m'en souviens, oui, même lorsqu'on passe au son, oui, suivant. Oui, oui. Comme on se souvient de la syllabe d'avant, au moment où nous prononçons une nouvelle syllabe, où nous entendons une nouvelle syllabe. Donc ce serait dans l'autre sens, Nathalie Depraz. Bergson aurait influencé Husserl. Oui, peut-être. Alors, ça reste une hypothèse. Moi, je n'ai pas de réponse à la question qui a été posée. Mais c'est vrai que je suis moi aussi très frappée par la précision et la description du propos de Bergson ici, qui est, à mon sens, presque plus précis que Husserl. Les exemples sont proches, mais c'est vrai que là, on a l'impression d'être avec Bergson. Quand on le lit, en ce moment, je cause avec vous. On est vraiment à la première personne du singulier. Je prononce, on est au présent. Je prononce le mot causerie. Donc, on est vraiment dans ce moment. On est en train de le vivre avec lui à nouveau. Moi, je trouve que c'est d'une certaine manière encore plus. Il nous met encore plus en situation de vivre ce passage, cette durée. Alors après, ce qui est très étonnant, c'est qu'il parle quand même lui de décomposition, décomposition en partie. Des parties qui sont du passé par rapport au présent. Et ça, c'est vrai que c'est un vocabulaire peut-être que, je ne sais pas, Husserl ne revendiquerait pas autant, parce qu'il y aurait peut-être déjà une forme de rapport à la coexistence et à l'espace dans la formulation ici de Bergson par rapport à ce que Husserl le dirait. Rudolf Bernet. Oui, j'étais surpris par ce passage, parce que et je ne suis pas sûr que c'était pas un passage quasi ironique, ce qui n'est pas souvent le cas chez Bergson. Je pense justement que Bergson, il est connu comme le philosophe de la durée. Oui. Et la durée, c'est justement ce qui ne se décompose pas. Et alors, je pense que dans le passage que nous venons d'entendre, il a l'air de dire, c'est un peu l'argument de Zénon, qu'il a d'ailleurs souvent utilisé. Vous pouvez décomposer cette phrase en autant de morceaux que vous voulez, vous ne recomposerez sur base de ces morceaux jamais l'entièreté. Oui. Et donc c'est toujours le même modèle de critique de voir le temps comme une espèce de ligne, donc le modèle linéaire que personne critique. C'est-à-dire, une ligne, c'est un début, c'est une fin, c'est vraiment Zénon. Alors vous pouvez le partager en autant de morceaux, mais vous n'arriverez jamais à recomposer sur base de le ces continue. Morceaux. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, quand même, qui est très fort chez Bergson. C'est pas seulement une manière d'agencer des parties et le tout, mais c'est le dynamisme, la durée. Le mouvement, c'est toujours le problème du mouvement. Absolument. Dans le temps comme dans l'espace. Oui, si on compartimente trop l'espace ou le temps, dans sa façon d'en parler, on ne peut plus penser le mouvement en eux. Et c'est pas un mouvement linéaire, mais c'est un mouvement d'enveloppement. Là encore, la question de savoir si tout cela est conscient affleure. Et nous voyons dans une autre émission de cette série là que nous faisons que Bergson, lui, n'a pas refusé autant que Husserl le pont avec l'inconscient freudien. C'est troublant, hein, Nathalie Depraz. Ils sont peut-être parce que quoi, j'en sais rien. En tout cas, il y a là des réactions. Peut-être parce que Husserl et Freud étaient quand même à un moment donné deux grands mandarins du monde allemand, dans langue allemande. Oui, je sais pas. À un moment donné, hein, ils n'ont pas tous, ils n'ont pas toujours été mandarins. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a une rivalité. Peut-être. Oui, peut-être. Je pense que pour ce qui concerne Bergson, il faudrait peut-être aller regarder d'autres textes, notamment Matière et Mémoire. Mmh. Où justement on a dans la conception de Bergson une très grande attention aussi à la matérialité de la conscience, oui. Mmh. Plus que Husserl en fait. Oui. Je pense que là il y a une ligne de passage que Husserl ne franchit jamais, le rapport à la matière, à la dimension physique, ce qui n'est pas du tout le cas chez Bergson. Il y a beaucoup plus de fluidité et donc la dimension que Husserl met en avant est une dimension vraiment très toujours de l'analyse, donc d'une forme de démarcation justement quand même entre ce qui est de l'ordre du vécu, ce qui est de l'ordre de la matérialité. Alors la matière intéressait beaucoup aussi Merleau-Ponty, qui d'ailleurs avait des images incroyables pour parler de choses tout à fait husserliennes. Je vous demanderai juste de commenter cette magnifique phrase sur la rétention de Merleau-Ponty, la rétention vue par Husserl. L'instant passé, dit Merleau-Ponty, est vu encore, mais comme je vois le caillou lui-même à travers les masses d'eau qui glisse sur lui. On ne pouvait pas mieux dire, Rudolf Bernet. Oui, absolument. Et puis, Merleau-Ponty, il a orchestré ça par la littérature. Je veux dire, il y a des textes magnifiques de Merleau-Ponty, non seulement sur Proust, ça va de soi, c'est quand même pas, oui. Mais aussi sur Claude Simon. Donc, si Merleau-Ponty n'est pas toujours absolument juste quand il parle de Bergson, mais il a vraiment... De Husserl, vous voulez dire de... Ou de Bergson. Non, de Bergson. De Bergson, pardon. Mais il a profondément intégré. Donc c'est vraiment un philosophe qui vit de Bergson, même quand il dit des choses de Bergson qui ne sont pas tout à fait justes. Picking away the moments that make up a dull day. Et là, nous entendons Time de Pink Floyd, une chanson tirée de l'album The Dark Side of the Moon de 1973. Merci Nathalie Depraz et Rudolf Bernet pour vos éclaircissements sur cette question de la rétention qui constitue la philosophie du souvenir immédiat chez Edmund Husserl. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. À présent, il est temps de retrouver Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi l'asile est-il un droit ? Dans le monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des termes qui sont particulièrement révélateurs, des termes qui, en un certain sens, font l'objet de controverses extrêmes, comme s'ils devenaient des dangers immenses ou des problématiques généralisées, alors qu'ils désignent en droit, possiblement, et dans notre imaginaire aussi, quelque chose de tout à fait minimal. Dans le problème des migrations, des déplacements humains, de l'accueil et du rejet ou de l'admission politique, le terme d'asile a ainsi cet étrange retournement qui est un des symptômes majeurs des dangers du moment. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la philosophie et des institutions humaines, l'asile, en effet, c'est quelque chose d'absolument minimal. C'est le fait de procurer à quelqu'un un lieu protégé face à un danger qui le menace absolument. Et dans le droit contemporain, l'asile est plus précisément un lieu inviolable où peut se réfugier une personne poursuivie jusqu'à la mort pour des raisons politiques dans son pays. L'asile est donc quelque chose d'absolument minimal et ce n'est pas par hasard qu'il a désigné dans les institutions médicales occidentales et en France en particulier, avant l'institution des hôpitaux, simplement un lieu d'accueil pour, et de relégation aussi pour des êtres humains fragilisés par la maladie et parfois pour la maladie mentale. On pense aux asiles qui sont les ancêtres des hôpitaux psychiatriques. L'asile désigne des lieux d'accueil si minimaux qu'ils pouvaient devenir eux-mêmes aussi des enfers sur terre. Dans l'imaginaire de la langue française, être à l'asile, c'est être à la fois exclu et relégué dans un lieu qui est lui-même misérable et un lieu d'enfermement, comme l'a décrit et dénoncé Michel Foucault dans son Histoire de la folie à l'âge classique. L'asile, c'est donc le minimum absolu, qu'il soit positif, un endroit où on recueille et où on protège quelqu'un qui n'a plus d'autre endroit où aller. Jean-Jacques Rousseau, ainsi, qui se vivait comme persécuté, a décrit l'asile que lui a procuré Madame de Varins dans sa propriété des Charmettes, un asile devenu un petit paradis sur terre, un Éden protégé des dangers. Donc l'asile peut devenir aussi un lieu de protection et un lieu de bonheur, mais aussi un lieu minimalement et même peut-être contre-productivement protecteur, un lieu si minimal qu'il devient lui-même un danger et un enfer. L'asile, condition minimale d'une survie procurée par des humains à l'autre et qui peut se transformer en paradis ou en enfer. Mais pourquoi l'asile est-il devenu un droit aujourd'hui ? Il faut lui garder sa valeur négative et minimale. Le droit d'asile, c'est le droit, en effet, d'être accueilli dans un territoire parce que dans un autre territoire, on est persécuté de manière injuste. C'est donc la facette négative et minimale de ce droit que Emmanuel Kant désignait comme le droit cosmopolitique de tous les êtres humains de s'installer où ils veulent, sur la Terre. Ce droit cosmopolitique a certes quelque chose d'une illusion ou d'une utopie, quelque chose qui vient non pas contester les frontières, mais ouvrir un espace d'habitabilité universel. La face négative, minimale de ce droit cosmopolitique, c'est le droit d'asile, le droit d'être recueilli quand on est en danger, le droit qui atteste au contraire de l'existence des frontières, mais qui met les réfugiés, notamment politiques, en sécurité, qui d'ailleurs doit conduire à leur protection, même quand la persécution vient les détruire jusque dans le pays étranger. C'est le droit des sans-droits, c'est le droit des apatrides, c'est le droit de ceux qui n'ont plus aucune protection, c'est le droit minimal des humains. Bien sûr, il faut l'instituer et le réguler, mais c'est quand même un droit sans lequel la vie humaine n'a plus rien de possible. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Feulpin, Marine Boudalier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!